Dès aujourd'hui, quand vous parlez, parlez des paroles de Dieu. Quand vous vous réunissez, échangez sur la vérité. Dites ce que vous savez de la parole de Dieu. Dites ce que vous pratiquez, comment l'Esprit œuvre. Quand tu es libre, parle de la parole de Dieu. Ne parle pas oisivement. Oh, oh. Que ta vie soit remplie de la parole de Dieu. Alors tu seras un vrai croyant. Alors tu seras un vrai croyant. Quand tu échangeras, le Saint-Esprit t'éclairera. L'homme doit coopérer pour créer un monde de la parole de Dieu. Si tu n'entres pas dans cela, Dieu ne pourra pas faire son œuvre. Si tu ne parles pas, il ne peut pas briller sur toi. Oh, quand tu es libre, parle de la parole de Dieu. Ne parle pas oisivement. Oh, oh. Que ta vie soit remplie de la parole de Dieu. Alors tu seras un vrai croyant. Superficiellement, ça ira très bien, très bien. Sans superficialité, il n'y a pas de profondeur. Il faut suivre le processus. Oh. Par ta pratique, tu appréhendras mieux l'illumination du Saint-Esprit en toi. Sauras manger et boire les paroles de Dieu efficacement. Tu entreras dans la réalité de sa parole. C'est seulement par ta volonté de coopérer que tu recevras l'œuvre du Saint-Esprit. Quand tu es libre, parle de la parole de Dieu. Ne parle pas. Alors tu seras un vrai croyant. Alors tu seras un vrai croyant. Alors tu seras un vrai croyant. Alors tu seras un vrai croyant.